tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'Avenir présentent Garibaldi. N'est-il pas vrai, Père Patnaud, que dans votre temps, vous étiez le meilleur tireur de Saint-Rémy? Oui, monsieur, c'est vrai. Vous êtes allé à Rome dans le but de tuer Garibaldi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre séjour à Rome, parmi des oiseaux? Il me tuait, j'en tuais, on se tuait. Et Garibaldi? Il s'est sauvé, le crapaud. J'ai pas pu le rejoindre.